السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جزاك الله خير. Mon père ne fait pas salat, ça m'en dise, comme tu vois sur Allah, qu'il ne fera pas le...